pas ça secret, tu devrais le dire. Achat le mensonge, peut que mire. T'étais dans la boîte, t'as serré bientôt la nuit. Le jour où je pop, je dors sur des kilos. Je suis comme une machine, tous les jours ça fait des lay. Nous la moitié du rap français, on le prend en bleu. Si tu veux prendre position, fais-le à quatre pattes. J'ai toujours les yeux blancs après de l'ivrogne 4 pattes. Les trois quarts ils sont fanés. Je suis l'un sur les nerfs, si j'en ai un, je vais le flinquer. Enlève le flanqueur. Je suis sincère sans cœur et je les charge comme un tanker. Nina a demandé tanker. Elle a dit tanker, obligé de le tanker. C'est plein en ton terre. C'est le seven clan. C'est le lay off. J'aime les grands pas de la vie que je mène, comme le combat de mon cœur et mon être. Je voulais rester honnête, pas connaître chaque recoin comme géomètre. Ils ont pompé la maison sans homme, j'sais qu'ils jouent comme des enfants. J'sais qu'ils jouent comme des petits, j'ai mes chaos, c'est le cheat. Promis dans 2 ans je pars, laissez-moi le temps de la mettre. Après je fais le tour de la terre, pour atterrir en douceur, ou faire comme tour de la terreur. J'apprends des fois de mes erreurs, mais plus souvent j'innove, recommence encore demain. J'sais comment on change d'épisode, j'sais comment on change de climat. Dans l'usine comme des cyborgs, je me sentais même pas primate. Pareil qu'on parle du clan, je suis à l'aise, pas de si on prêt. Dans la Benz Catmatique, je voulais briller comme Cassiopée. Plan d'attaque sur ennemi, première ligne comme l'armée Zoulou. Au bout de nos lances, y'a que des pics, j'ai frit mon shit jaune et tout mou. Plan d'attaque contre un jig, première ligne comme l'armée spartiate. Sous le plancher, 6 pieds sous terre, si tu forces encore les ménages. Choqué après une patate, plus foncé sur l'arcade dans l'abdomen. Plusieurs impacts, plan d'attaque sur Indica, sur l'affiche c'est indiqué. Nous on soulève, c'est quoi le dilemme? On vous shoot. Pas de pression, je suis dans la caisse, je veux pas canner. Mon plan d'attaque, c'est ma première ligne comme Spartia. C'est la première ligne comme le mas, c'est la dernière fois le désastre. Je suis perché, je finis dans les as. Dans ma poche des chiens, tous les as. C'est pas fini, tous mes items sont bien calés dans ma besace. Et reste tenace, rêve de tennis, y a affalé dans son calage. Ouais. Devant ce flow qui te fait chavirer, alors t'agiras. Négro, c'est comment gérer ton plan d'attaque, elle chenage. Et pour toutes celles que j'ai pas baisées, vous êtes toutes les mêmes. Si on demande pourquoi je suis toujours avec les mêmes. Je regarde mes sœurs, je les empile même si c'est tous les mêmes. Et pour toutes celles que j'ai pas baisées, vous êtes toutes les mêmes. Et si on demande pourquoi je suis toujours avec les mêmes. Je répondrai complet pas à tout le monde. J'suis dans ce shit, drop le cash. Ce que j'lui rob, j'le cache. Je sais que mes négros baissent vite. Voilà pareil, si ils se crachent. Je sais ce qu'ils savent pas, j'aime pas ce qu'il se passe. On le fera si ils partent. On le retrouvera si ils se cachent. J'te shoot de loin, j'te shoot de près. Sache qu'ici tout se vend, tout s'achète et tout se paye. La guerre dans tous ces pays, la guerre dans ma voix c'est paix. La maison est hantée, me laisse même pas fumer un peu. SM c'est trop gang, machine dans le jet comme la carfelle.